Don't ever move it, don't ever move it. My brother is on the bass, I'm the moving. Salut toi, poditeur, poditrice, bienvenue sur Eurodance Autopsy, le podcast qui décortique pour vos magnifiques petites oreilles les singles Eurodance en toutes sortes, qui sont célèbres ou peu connus, puisque en effet j'ai décidé de temps en temps de mettre en avant un titre méconnu de l'Eurodance. Vous savez, si vous m'écoutez dans Eurodance Story, bien souvent, au milieu de chaque épisode, il y a une petite rubrique qui s'appelle la pause musicale, où j'en profite pour vous faire découvrir ou redécouvrir des chansons très très peu connues de l'Eurodance, mais qui méritent d'être écoutées. Par qui ? Par vos magnifiques petites oreilles. Eh bien, ça va être le cas de temps en temps dans Eurodance Autopsy, où je vais mettre en avant un single. Et aujourd'hui, j'ai choisi un titre italien, production italienne, qui date de 1994. La chanson s'intitule « Take My Body » du groupe Kamono, ou Kimono, comme vous voulez, K. et Mono. Donc en fait, ce groupe-là, ce petit projet italien, n'a sorti qu'un single qui a été quand même commercialisé en France. J'avais le CD de titre. Donc c'est un groupe italien qui est... en fait, il y a une grosse équipe derrière ce petit projet. Il y a exactement 7 personnes, vous vous rendez compte, juste pour un titre Eurodance, mais qui vaut le pesant d'or en matière d'Eurodance, qui en a tous les attributs, que ce soit musicalement parlant et vocalement parlant. Donc, en fait, ce petit projet est en fait composé et produit par 5 gaillards italiens, en la personne de Gabriel Del Barba, qui est le fondateur du label italien Farm SRL, ainsi que Roberto Gabrielli, qui est lui spécialisé dans l'Eurobeat et Italo Disco. Il y a également le producteur italien Lorenzo Vignato, ainsi que le producteur et journaliste italien Riccardo Sada, et Alessandro Zullo, fondateur du label italien One Treble SRL. Jolie chanson que vous allez écouter en fin d'épisode, mais que je vais vous faire découvrir à travers de nombreux remixes. Il n'y a pas grand chose à dire en fait sur Kamono, puisque c'est vraiment un mini projet dans l'histoire de l'Eurodance. Mais il faut le déterrer, il faut le mettre en avant, en lumière, parce qu'il a beaucoup de qualités. Si vous aimez en tout cas l'Eurodance, il y a 2 voix, il manque 2 personnes que je ne vous ai pas citées. En effet, il y a le rappeur qui va poser sa voix, vous en doutez bien, sur les couplets, et la chanteuse qui va poser sa voix sur les refrains. Alors en fait, si vous voyez la pochette du CD ou du vinyle, qui est d'ailleurs en photo d'illustration de cet épisode, il y a un vrai interprète et un faux interprète, donc un playbacker ou une playbackeuse. Je vous laisse 30 secondes pour deviner lequel. Non, 2 secondes, ça va être rapide. Bon, je vais vous dire direct, la femme que vous voyez sur la pochette du vinyle n'est pas l'interprète de la chanson. C'était une mannequin, juste pour la photo du vinyle, tout simplement. C'est un petit projet. En fait, la vraie artiste, la vraie chanteuse, s'appelle Francesca Touré. Et Francesca Touré, donc elle est elle aussi italienne, mais d'origine métisse italienne par sa mère et guinéenne par son père. Elle est née en 1972, donc elle pose dans l'ombre pour ce petit projet Eurodance. Mais elle va faire carrière de toute façon en dehors de Kamono, dans d'autres groupes où elle va poser sa voix. Notamment, je vais vous mettre un extrait d'un autre titre où on peut la retrouver. En fait, c'est quand elle faisait partie officiellement membre du groupe Delta V, un groupe italien de pop électro. Donc là, elle donne son visage, elle est la chanteuse du groupe. Elle n'est pas seule, il y a d'autres gars à qui l'accompagnent, les musiciens, les producteurs. Donc je vais vous mettre, ils ont sorti plein d'albums, ils ont 5-6 albums, donc entre 98 et 2019. Et là, je vais vous mettre au hasard un titre que j'aime bien, qui est sorti en 98, c'est l'un de leurs premiers singles, qui s'intitule tout simplement Alcé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Alcé, mais la voix féminine que vous allez entendre sur ce morceau, c'est la chanteuse de Take My Body de Kamono, qui est la chanson star de cet épisode. Très jolie voix au passage, mais comme vous vous en doutez bien, je vous l'ai dit en plus tout à l'heure, elle n'est pas seule sur la chanson Take My Body, donc qui est concernée par cet épisode. Il y a un gars qui l'accompagne et c'est bien celui que l'on voit sur la pochette du CD de Take My Body. C'est en effet le rappeur américain Rodney Harris, qui est originaire de New York. Et lui, en fait, il fait partie de ces rappeurs américains qui vont poser leur voix sur de nombreux petits projets qui ne vont pas décoller point de vue succès, mais qui sont pour certains de très bonne qualité, dont le fameux Take My Body de Kamono. Il a une façon de rapper façon raga en fait. Vous allez voir, vous en avez eu un aperçu de toute façon dans l'intro de cet épisode, mais comme pour la chanteuse Francesca Touré, pour Rodney Harris, je vais vous mettre un autre extrait où on peut l'entendre pour avoir une idée de ce qu'il a fait à côté de Take My Body. C'est sur un autre petit projet italien qui s'appelle, le groupe s'appelle X-Dream. Et X-Dream est un petit projet qui n'a sorti lui aussi qu'un single, produit par un certain Brad Sinclair, un très connu dans la production de dance music italienne. Et donc sur ce morceau, vous allez voir qu'il est assez speed. On va retrouver la voix de notre cher Rodney Harris de Kamono, mais il n'est pas seul sur le morceau de X-Dream qui s'intitule Fight Fire with Fire, combattre le feu avec le feu, qui date de 96. Il y a une voix féminine qui n'est pas inconnue dans l'univers de l'Eurodance. Si vous avez écouté Eurodance Story, vous la reconnaîtrez, puisque ce n'est autre que la reine de l'Eurobeat, en la personne de Clara Moroni, qui n'est autre que la voix du groupe Antares, par exemple, que je sélectionnerai peut-être un jour dans ce podcast avec une de leurs chansons. Donc on s'écoute X-Dream, Fight Fire with Fire, avec la voix de notre cher Rodney Harris. Speed, j'aime beaucoup ce titre-là et je pense que je la mettrai en entier le jour où je ferai un épisode voice sur Clara Moroni dans mon autre podcast Eurodance Story. Sinon, pour ce qui est de Kamono avec Take My Body, c'est un disque qui sera très très peu commercialisé dans le monde. Très peu de pays vont avoir la chance de les mettre en rayon de disque afin de trouver le CD et voyez par vous-même les seuls pays où ce disque a été mis en vente. Il y avait bien entendu la France. L'Italie aussi, logique, le pays du groupe. Et en Europe, il n'y avait que l'Espagne et les Pays-Bas en plus également. Ceci dit, il a voyagé outre-Atlantique puisqu'on retrouvait ce disque au Brésil et au Mexique. Et d'ailleurs, dans tous les pays que je viens de vous citer, cette chanson, Take My Body, même si elle ne s'est pas vendue du tout, enfin mal vendue, je veux dire, elle n'a jamais pénétré les charts de vente de singles, elle a quand même été classée dans le top 10 de quasiment tous les hits des clubs de ces pays, même en France. Et donc, même on l'a retrouvée, cette chanson, dans de nombreuses compiles Eurodance. C'est comme cela que j'ai pu connaître ce titre dans une des compiles, je ne me souviens plus du nom, où on retrouvait même 20 Fingers et La Bouche. J'avais eu un coup de cœur sur ce titre de Kamono que je me suis empressé d'acheter le CD de titre. Sinon, il était vendu également en maxi et il existe quelques remixes notables. J'en ai sélectionné trois. Trois pour vous donner une idée de ce qu'on pouvait trouver comme style par rapport à la version d'origine que vous écouterez en fin d'épisode. Il y a la Bage Pass Mix que j'aime beaucoup, qui fait un peu penser au style italien de Rubix avec les titres d'Ice MC et Alexia. Surtout pour la mélodie, alors on ne change pas la façon de rapper, la façon de chanter, c'est les mêmes samples, c'est la mélodie qui change. Je vous mets un extrait de la Bage Pass Mix de Take My Body. Ce remix a bien sûr été concocté par les 5 producteurs que je vous ai cités tout à l'heure. C'était donc la même équipe. Et je ne sais pas pour vous, moi j'adore la mélodie de ce remix. Franchement, très 100% Eurodance. Je la kiffe presque autant que la version d'origine qui est excellente, vous le verrez. Deuxième remix qui figurait lui aussi sur le maxi. Il y avait aussi la version longue, ce n'a pas d'intérêt de vous la mettre en extrait puisque c'est la version longue de la version d'origine, donc même ingrédient. La version que je vais vous faire écouter, qui s'intitule la Hypno Muffin Mix, a un côté très électro-spatial, un peu speed même, qui décortique tout, que ce soit les paroles, la musique, vous allez le voir. Donc original, osé, et qui passe bien, je trouve. Donc Hypno Muffin Mix de Take My Body. Vous voyez, donc même les voix dans la version d'origine sont samplées, échantillonnées pour en faire autre chose, donc original je trouve, comme remix. Et dernière sélection que j'ai choisie pour vous, en fait, c'est une version qui ne figure sur aucun disque de Kamono, mais c'est une version officielle que l'on retrouvait sous le nom de Kimono, tout attaché Kimono, comme la tenue, quoi. Et donc, en fait, c'est une version qui n'a été commercialisée qu'en Australie. Tiens, c'est bizarre, je ne vous ai pas cité l'Australie tout à l'heure. En effet, puisque ce remix, en fait, il y a 3 remixes exactement, qui sont similaires, je vais vous expliquer, mais ces 3 remixes qui sont commercialisés en Australie figurent sur une petite compile qui s'intitule « Australia versus Italia ». En fait, c'est une compile qui reprend des titres italiens, qui les remixe à la sauce, on va dire, je pense, australienne. Et donc, ils ont repris le titre de Take My Body, qu'ils ont nommé pour l'interprète Kimono. Peut-être que c'est une erreur de frappe dans leur compile. Certainement, cela arrivait souvent. Hein. Donc ça, je vous en parle des fois dans Eurodance Story. Et donc, pourquoi il y a trois remixes ? En fait, c'est trois versions différentes par le même remixeur, tout simplement. Moi, je vais vous mettre la première, qui est la plus longue, mais un extrait, bien entendu. C'est la 3D remix, mixée par un certain David Ward. Alors, je n'ai pas son origine, mais je pense qu'il est australien. Et donc, sur cette compil, il n'y avait pas que Kimono, mais là, c'était Kimono. Il y avait d'autres petits projets italiens qui ont été remixés. Et donc, on va s'écouter un extrait de la 3D remix qui a été commercialisée en 96, soit 2 ans plus tard, après la version de Take My Body, je vous rappelle, qui est sortie en 94. Allez, 3D remix de Take My Body. Remix donc qu'on ne retrouve que sur la compile Australia versus Italia. Et donc, pour ce qui est des Kimono avec leur Take My Body, il n'existe malheureusement aucun clip vidéo. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à trouver de live également, même si je sais qu'ils ont fait des shows dans des petits concerts. Donc, il n'y avait que René avec une playbackeuse, hein, mais il y avait quelques prestations de cette chanson, Take My Body, surtout en Italie. Et donc, il est temps, je pense, pour vous d'écouter enfin la chanson donc, que vous attendez tous, Take My Body. Normalement, je pense, je mets presque ma main au feu que vous apprécierez cette chanson, qui est en général, si vous aimez l'Eurodance, qui passe très très très bien, vous allez le voir. Donc, production italienne, comme je vous l'ai dit, qui date de 94. Pour info, la chanson, la version radio qui s'intitule tout simplement New Radio Version, dure 3 minutes 26 secondes. Donc, très courte chanson, mais bien plus longue que les chansons de nos jours, hein, qui sont en général, qui durent en général moins de 3 minutes. Voilà, donc c'était Hakim en votre compagnie. J'espère vous retrouver prochainement sur Eurodance Autopsy avec une autre chanson que je décortiquerai pour vos magnifiques petites oreilles. On se quitte avec les voix de Francesca et René sur Take My Body du groupe Kimono qui sortait en 1994. À bientôt, bisous. Some men and men moving all around. Day. honey. Let me feel your body, take my body. You're my golden daisy, you are just amazing. Take me when I'm lazy, drive me crazy. Now I don't want your money, I just want your honey. Let me feel your body, take my body. Stop your feet, come down to industrial sounds. I miss a minute, they're moving all around. Stop your feet, come down.